Après quelques essais peu lucratifs dans le journalisme, Jacques est sur le point d'écrire un article contre les universitaires, mais une lettre de son père l'en dissuade. Jacques va alors se faire embaucher comme grammairien pour écrire des articles dans un dictionnaire. Mais, faute d'être payé le deuxième mois, il s'en va. Après quelques succès, dans des récits satiriques, il retourne au puits, retrouver sa mère, séparé de son père, parti avec une autre femme. Sa mère, lui faisant valoir tous les avantages de liberté qu'il aurait en épousant une riche fille du pays, il est sur le point de se marier. Mais il constate que sa fiancée méprise les pauvres. Il repart pour Paris. Partageant désormais sa chambre avec Legrand, il s'essaie en vain comme dramaturge. Je voudrais être vieux. Place aux jeunes. Ils mettent ça dans tous leurs articles sur le théâtre. Place aux jeunes. Mais moi, je suis jeune et ça ne me réussit pas.